Salut les bonitos et bonne année 2018 à tous. Alors pour info, j'ai fait super attention à mon accent sur cette phrase. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué les gars. C'était beau. T'as vu, c'était beau. C'était beau. Ah, c'était le bon année. Bonne année. J'ai fait attention. Ah, elle était. J'ai fait ma voix de pouf exprès pour David qui m'a charrié toute l'année dernière l'année. Par rapport à ça. L'année. Je te re... Ouais. Non, j'étais bonne, là. On va la garder pour la fin de l'émission en making of là, ou je sais pas quoi. Ah bah non, mais là c'est bon, hein. Moi je le garde comme ça pour l'émission, hein. J'en suis fière, hein, s'il te plaît. Ok, très bien. Ah, bah oui. Ah ouais, non mais c'était fait exprès, quoi. C'était fait exprès. On continue, c'est cool. Bonne année. J'aurais pu le faire en anglais. Bonne année à tous les bonitos. Bon, dis donc, qui a fait la séance que nous avions concoctée en cadeau de Noël? Ça vous a plu? Moi, je vais vous dire un truc. Franchement, j'ai adoré la chanson créée par David pour l'occasion. Ah. Parce qu'il faut... Ouais, franchement, c'était super. Il faut savoir qu'on a enregistré certaines parties de cet épisode chacun de notre côté. Et du coup, on n'avait aucune idée de ce que... Enfin, aucune idée. En tout cas, on ne savait pas exactement ce que faisaient les autres. Donc, ça a été aussi une surprise pour nous. Alors, bravo, David. Et moi, je te dis, à ce rythme-là, l'année prochaine, on sort un single, quoi. Oui, oui, il y a déjà un album qui est en cours ouais. Avec des featuring, avec, mais cool. On ne peut pas tout dire. Ouais, on garde la surprise pour Noël prochain. Ouais. En tout cas, on remercie les personnes qui nous ont fait un retour par rapport à cet épisode. Il n'y a pas eu foule quand même. Hein. Alors, ne me dites pas, les bonitos, que vous avez penché du côté obscur de la force et remisé vos baskets au placard depuis les tentations des fêtes. Si c'est le cas, on est de retour, vous inquiétez pas, on va vous aider à affronter le froid, la pluie et toutes ces joyeusetés hivernales. D'ailleurs, si vous avez besoin de nouveautés dans vos oreilles, hein, n'oubliez pas d'aller piocher dans le réseau Podcastéo dont nous faisons partie. Et si l'univers des podcasts vous intéresse, sachez qu'un podcast sur ce thème a été lancé, animé par les membres du réseau. Deux épisodes ont déjà été diffusés, si je ne me trompe pas, et vous retrouverez très bientôt notre David dans un épisode qui n'a pas encore été publié. J'essaie de pas trop de raconter de bêtises, mais bon, je promets rien quand même. On verra, hein. Nous, on n'a pas encore à émettre de voir ce que tu nous je as fait. Je n'ai insulté personne. Bah, super. C'est déjà ça. C'est vrai que David, essayer de parler sur une thématique où tu n'es pas dans ton propre podcast, ça devait être challenging quand même. Ouais, parce que tu sais pas, tu sais pas à quel point tu peux être con, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux. Tu te demandes, t'es pas en famille, donc tu sais pas si tu peux faire de la merde vraiment. En fait, ou... pendant l'enregistrement, j'étais un peu moi-même, quoi. Je sentais quelques interrogations, quelques... il nous fait quoi, celui-là? Ah, ok, d'accord. Alors, on coupe ou on coupe pas? Qu'est-ce qu'on fait? À la fin, on s'est dit au revoir, j'ai senti une espèce de froid. On verra s'il te réinvite ou pas, quoi. Ouais, bah ouais. Bon, en tout cas, les gars, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Oui, pareil. Ouais, pareil, on peut le dire au bonito, ça a été un peu calme de notre côté, là, depuis ces dernières semaines. Et donc, ça fait plaisir de reprendre le travail, entre guillemets. Enfin, de reprendre Joaquin Bonito en main, là. C'est pas de vrai. Rempiler pour une nouvelle année. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. D'ailleurs, donc, on va entamer ce premier épisode 2018 avec un super programme, à mon avis. Nous avons deux chroniques. Une intitulée Réhabilitons les retardataires et la deuxième sur les résolutions. Alors David, on va commencer oui, avec toi. Comme par hasard. On va commencer avec toi, ouais, comme par hasard. Tu vas nous parler du retard, du rapport que nous avons tous au temps, de ton rapport au temps et de comment tu lis ça à ta pratique de la course à pied. Est-il bon d'ailleurs de préciser que je n'ai lu ta chronique qu'il y a une poignée d'heures seulement? Il aurait été ironique et même déplacé finalement qu'il en soit autrement, t'es pas d'accord? Tout à fait. Mais voilà, c'est vrai que la chronique, je viens juste de la finir, donc je suis pas très étonné. Oui, j'ai voulu traiter de ce sujet. Alors je préviens, ça va parfois paraître déconnecté de la course à pied, mais j'espère que vous me suivrez. Alors, Moi, j'aimerais vous raconter que ma découverte de la course à pied a été un coup de foudre au début des années 90 et que, détectant chez moi un potentiel hors norme, mon père m'a emmené un jour pousser les portes du club d'athlétisme de ma ville. J'aimerais également vous dire que mes victoires au cross du collège m'ont mené au podium des championnats départementaux UNSS et que cela a relevé ma cote auprès des filles à la récré. Mais non, en réalité, à l'époque, je maudissais les athlètes qui utilisaient la piste et nous empêchaient, mes potes et moi, d'accéder au terrain de foot. Et je comptais plus sur ma coupe au bol que sur la puissance de mes mollets pour séduire Muriel ou Marie. Bonjour à elle. Pour moi, l'athlétisme, c'était des ampoules contractées aux doigts en jouant à Olympic Gold sur ma Sega Master System. C'était en 1992 et Cheb Khaled chantait Didi, vous vous souvenez? À vrai dire... Le Khaled, David. Et ouais. T'as pas dit Khaled. T'as pas dit le vieux Khaled des Français. T'as Cheb le Khaled. N'est-ce pas? À vrai dire, quand je cherche un souvenir de moi... fendant l'air et crachant mes poumons, je pense à une pratique que j'ai depuis ma plus tendre enfance, courir pour arriver à l'heure. Alors, loin de susciter des parties de plaisir, qui en éprouve en arrivant essoufflé à un rendez-vous important, parfois transpirant, voire malodorant, les articulations qui sifflent après un 3000 mètres steeple exécuté en milieu urbain et chaussé en pâte au gaz 0% de VA, personne n'éprouve de plaisir à ça. Mais je pense que chez moi, c'est tout simplement inné, pour ne pas dire héréditaire. Bisous papa. Et croyez-moi, en matière de retard, j'ai un palmarès bien étoffé. Comme par exemple le record du nombre de sprints pour attraper le bus. En effet, juste en face de l'immeuble dans lequel j'ai grandi, se trouvait le départ de la ligne que j'empruntais quasiment tous les jours pour aller à l'université, et j'y suis allé un peu, pour aller faire du sport aussi ou pour aller voir mes potes. Ça, c'était plus fréquent. Même en connaissant les horaires par cœur, et alors qu'il me fallait 30 secondes pour rejoindre l'abribus, c'était la panique. Si bien que fréquemment, je voyais le bus me passer sous le nez, constatant même qu'il commettait l'indélicatesse de partir avant l'heure annoncée. Mon signe de la main et mon regard de cocker laissaient de marbre le chauffeur. J'en ressentais le mépris ou l'humiliation. Séquence émotion. Cependant, l'arrêt suivant se trouvait à peine à 200 mètres. Vous me voyez venir, non? Ouais, vas-y. Ben ouais, j'espérais toujours qu'une voiture lente, une vieille dame au passage piéton ou un groupe de personnes n'ayant pas fait la pointe avant de demander un ticket au chauffeur à l'arrêt suivant viendrait à ma rescousse et me permettrait d'embarquer à temps, donc à ce second arrêt. En cas de victoire, j'adressais un regard vengeur au chauffeur et traversais tout le bus, le torse bombé. Ensuite, j'entamais de façon laborieuse ma récup au fond du bus et si j'avais eu une montre cardio, elle aurait fait tilt. De même que d'ailleurs, personne ne m'aurait piqué le segment Strava, il était à moi. Au contraire, en cas de défaite, je cherchais du regard le conducteur dans son rétroviseur pour lui faire comprendre qu'il avait eu de la chance cette fois. J'avais tendance à rentrer tard chez moi, et au retour, je loupais souvent le dernier bus. Ah ouais. Je n'avais plus que mes pieds pour faire le trajet. Au petit trot, donc. Je vous garantis qu'un mec qui court la nuit à une certaine époque, c'était vraiment louche. J'ai fait quelques rencontres bizarroïdes avec la police, d'ailleurs. Plus tard, quand j'ai découvert la course à pied pour de vrai, je m'amusais à suivre le bus de ma ligne de prédilection et j'ai eu la confirmation qu'il y a des moments dans la journée où il est plus efficace, si on peut se le permettre, d'utiliser ses jambes. Bon, j'arrête avec le bus, vous allez penser que je fais une fixette, mais je dis quand même que je n'ai pas connu meilleur coach que les chauffeurs de Transpol, c'est le nom de la compagnie du côté de chez moi, à Lille. Donc remballez vos coachs FFA, s'il vous plaît. Mais si vous voulez mesurer l'ampleur du phénomène, sachez, pour information, que j'ai déjà loupé un avion qu'une marque m'avait réservé pour aller taper la balle avec un ballon d'or argentin. Ou aussi que je suis arrivé en retard à mon entrée en caserne le premier jour du service militaire. Je devrais pas le dire, mais j'espère c'est mon père qui me conduisait. J'espère que t'as fait des pompes, du coup. Oh, ouf. Écoute, des services militaires, j'ai vraiment vécu ça de façon tranquille. Enfin, ça, disons que ça a duré une semaine. Une fois aussi, un ami m'a appelé pour qu'on dîne ensemble et je suis arrivé chez lui deux jours plus tard. Manifestement, je m'étais éparpillé. Alors, apparemment, ouais. Ouais. Alors, est-ce que je me sens comme le lapin blanc et sa montre à gousset dans Alice au Pays des Merveilles, ou peu accablé par mon problème d'organisation tel Gaston Lagaffe ? Parfois, je me maudis, c'est vrai. Mais ce défaut dans le timing, c'est plus une gestion en urgence qui n'implique pas forcément un retard en bout de circuit, je tiens à le dire. Je m'efforce de ne pas faire attendre celles et ceux qui ont des horaires à respecter, en tout cas. Je vais faire une longue parenthèse sur la notion de temps. Le temps est au centre de nos préoccupations et on entretient même avec lui des rapports conflictuels. On veut tuer le temps, défier le temps, battre le temps, nous les runners, exploser Chronos tels des héros mythologiques dans des guerres de légendes. On veut gagner du temps pour obtenir des espaces à combler. On redoute le temps qui passe, alors on veut le maîtriser. Mais il ne passe pas, il est là, cruel et insaisissable. C'est nous qui passons. Nous pour qui le temps est compté. S'obstiner à vouloir le maîtriser conduit au malheur. Pas étonnant que certains runners complètement obsédés par leur perf finissent par tricher, se la péter et devenir fous. Notre société, pour qui la norme est d'avoir ce rapport au temps, pointe du doigt ce qu'elle appelle les retardataires. L'anthropologue américain Edward T. Hall, vous le connaissez tous, hein, n'est-ce pas, comme moi ? Ouais, très bien, mon poteau. Oui, il distingue la culture monochrone pour laquelle le temps est une réalité palpable et donc il vaut mieux éviter le retard. Et de l'autre côté, de la culture polychrone dans laquelle la notion de temps est plus souple, c'est-à-dire que les individus ne se laissent pas dicter leur temps par un système ou une organisation, mais privilégient les relations, par exemple en Afrique ou en Amérique du Sud. Donc, d'après mes propres conclusions, le coureur monochrone serait centré sur son chrono, tandis que le coureur polychrone aurait d'autres priorités. N'oubliez pas d'user de cette rhétorique pour justifier vos retards sur vos objectifs auprès de votre coach. Petite parenthèse, Socrate lui-même arrive en retard dans une petite fête de la rhétorique dans le Gorgias. Jeff Comte, professeur de psychologie à l'université de San Diego, donc Margie, c'est pour toi ça, a mené une étude et déterminé que les personnes en retard sont les plus créatives et les plus optimistes. Alors certes, elles sont moins compétitives, pourtant il affirme qu'elles ont le plus de chances de réussir dans la vie. De plus, selon des cardiologues, les personnes en retard seraient moins exposées à des problèmes cardiaques. Ils ne sont pas en panique. Au regard de cette analyse faussement intelligente, j'ai peut-être trouvé, à travers mon manque de ponctualité et mon désintérêt pour la maîtrise du temps, des explications dans ma façon de pratiquer la course à pied depuis plusieurs années. En fait, je me serais découvert comme coureur polychrone, qui a placé l'exploration de nouveaux territoires, les rencontres, les sensations ou le contact de la nature très largement devant l'obsession du temps, des chronos et des RP. Ou même des deadlines pour rendre cette chronique, n'est-ce pas, Margie? Ouais, ok. Tu t'es bien vendu, là. Je te pardonnerai presque. Hein. J'ai dit presque. Hein. J'en attendais pas moins. Ouais. Je te pardonne de toujours rendre ta chronique sur le fil, ça va. Pour moi qui suis monochrone, hein, hop là, je place un peu de vocabulaire, c'est hard quand même. Mais c'est un bon entraînement et je n'en suis que plus efficace pour préparer l'émission après. Donc, avant de commencer à discuter, ça fait longtemps qu'on n'avait pas enrichi le vocabulaire des Bonito. Rémi n'étant plus là pour le faire pour nous. Hein. Je vais donc reprendre les termes que tu as définis, David, monochrone et polychrone. Oui, c'est parce que j'ai passé récemment un CAP Sudoku. Voilà. Ah, d'accord. C'est vrai pour que ça serait pas trop de refaire la définition, je ne suis pas contre. Ouais, voilà. Moi, j'ai dû utiliser l'ami Google hein, pour en connaître la définition exacte. Donc je reprends pour être au clair, monochrone. Alors, les personnes monochrones voient le temps comme étant divisé en éléments fixes qui peuvent être donc organisés et programmés. Du coup, on associe souvent les mots-clés logique, ordre, ponctualité, productivité avec les gens qui sont monochrones. Les gens chiants, quoi. Non, merci, ça fait plaisir. Bon, en tout cas, c'est en fait que la culture occidentale, est organisée selon un modèle monochrone, justement. Voilà. Certes. Et ensuite, on a les personnes polychrones qui préfèrent ne pas structurer leur temps, qui n'éprouvent pas le besoin d'établir des plans d'action et aiment changer d'activité en fonction de choix qui sont non dictés par un souhait d'organisation. Donc là, par contre, on associe plutôt les mots-clés multitâche, alternative, opportunité à ces gens-là. Et niveau sociétal, on retrouve cette façon de faire dans les cultures asiatiques, africaines ou d'Amérique latine. Tu l'avais dit dans ta chronique. Voilà. C'est plus clair, là, Émir ? Bah, j'ai un peu de mal. J'avoue que monochrone, je comprends très bien, vu qu'en gros, c'est notre modèle. Ouais. On va au travail à l'heure, on rentre à l'heure, voilà, on est divisé en heures et on s'organise autour des heures. Maintenant, le modèle polychrone, j'ai un peu de mal à voir. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas de montre et on fait au feeling. Non. Je vais prendre un exemple. Il y a certaines parties dans le monde où, par exemple, pour le travail, le temps accordé au travail, on le dissocie pas forcément du temps personnel. Voilà, et ça paraît complètement normal. Alors qu'ici, tu vas checker Facebook ou Twitter au boulot, on te fera les grands yeux. Voilà, c'est un exemple bête, quoi. D'accord, ouais, je vois. Bah du coup, Émir, toi, tu penses que t'es plus monochrone ou polychrone ? Bah, j'ai l'impression d'être... c'est un peu dur, mais j'ai l'impression d'être complètement, du coup... monochrone, même si parce que j'obéis à ces règles d'organisation du temps, on va dire, dans lesquelles j'ai pas l'impression qu'on puisse faire vraiment différemment, même si puisqu'on vient de parler de ne pas dissocier son temps pro et son temps perso, je pense que j'ai aussi des caractéristiques qui s'inscrivent là-dedans, je suppose que j'ai de toute façon on n'est pas soit l'un soit l'autre, mais bon, on tend vers un côté, c'est où... soit la droite soit la gauche, le centre n'existe pas. Non, mais peut-être que ta nature profonde, cher Émir, ce serait d'être polychrone T'es bridé par la société occidentale. Peut-être bien, et maintenant, je crois que je suis incapable de faire cette analyse sur moi-même en trop peu de temps. Et je crois que j'ai la chance quand même d'avoir un environnement professionnel où je suis pas, c'est-à-dire si je décide d'aller sur Facebook 5 minutes et qu'on me voit et que mon chef me voit, il s'en fout. J'ai cette chance-là. Et c'est, je pense, pas le cas de tout le monde. Donc moi, ça me permet de si j'ai un côté polychrone, de gérer mon temps comme je le sens, de le faire ressortir. Alors qu'il serait complètement bridé si j'étais dans un boulot avec un chef qui me frappe sur la nuque dès que je suis en train de faire autre chose que produire des slides, quoi. Ouais. Non, mais la gestion du temps, ici, en France, en l'occurrence, c'est pas évident, hein. Je pense par exemple au télétravail. C'est quelque chose qui met du temps à se développer et ça reste dans notre société assez mal vu, en fait. On va tout de suite penser que tu vas travailler chez toi, donc tu vas faire autre chose. Tu seras moins efficace. Et du coup, on peine à avancer là-dessus, alors qu'en même temps, il y a certaines nécessités écologiques, enfin voilà. Enfin, on va laisser là un peu le monochrone et polychrone, on est d'accord. Je vais revenir sur ton exemple de courir après le bus, David, parce que ça m'a bien fait rigoler. En fait, ça m'a rappelé des souvenirs. Ah. Ouais, parce que moi aussi, j'ai une anecdote avec le bus, figure-toi. Tu m'as pris mon segment Strava. Ouais, mais c'était dans la campagne, dans la Cambrousse, tu sais là. Vers Carcassonne. quand j'étais ouais, chez moi, non, c'est pas Carcassonne. Mais bon, quand j'étais petite, on prenait le bus scolaire. Moi, j'habitais en plein dans la Cambrousse, hein, dans la campagne. Et pour accéder à ma maison, il y avait un chemin en terre et en pierre, quoi. Pour arriver, il y avait la route, mais plus loin, tu vois. Et du coup, il y avait des animaux sauvages. Ouais, il y avait des animaux sauvages, attends. Ok. Eh. Pardon. Et de ce chemin, on voyait la route où arrivait le bus. Et il nous arrivait très souvent de sortir de la maison et de voir que le bus était en train d'arriver. Et là, on se tapait un sprint sur cette route de cailloux pour arriver au bus. Ça m'est déjà arrivé de me rétamer bien comme il faut, d'ailleurs, devant tout le bus, puisqu'il était juste à côté et il nous voyait. Mais ouais, donc du coup, tu vois, ça m'a rappelé ça et je me suis dit que, tu vois, peut-être ça a été un bon entraînement et que c'est pour ça qu'après, au cross du collège, j'étais pas mauvaise au cross du collège. Peut-être c'est à cause de ça, tu vois. Tu sais, je relis ton anecdote avec une autre anecdote que j'ai. C'est que mon lycée se trouvait dans ma ville de résidence. si bien que je n'avais pas le droit au transport scolaire. Par contre, ouais. j'habitais à quelques mètres de la ville d'à côté. Donc si les gens qui habitaient à quelques mètres de chez moi avaient le droit au bus. Donc ouais, peut-être que j'ai pu commencer à travailler mon endurance en étant en retard, bien sûr, en rejoignant à pied le lycée qui se trouvait à 3 petits kilomètres de chez moi. Ouais, quand même. Donc je voyais aussi les potes de classe qui passaient en bus en faisant signe, en se marrant. Et puis moi qui étais en retard et qui étais obligé d'accélérer le pas et déjà travailler ma VMA. Tu vois, ça part de loin. Hein. Et toi, ouais. Emir, t'as pas une petite anecdote avec le bus ou autre? Ah si, avec des bus. Enfin, moi, ce que j'ai toujours trouvé assez remarquable avec le bus, c'est j'ai l'impression que ça réveille des trucs qui sont ancrés dans l'instinct de l'humain depuis très très longtemps, tu vois, depuis avant même notre société. C'est, tu vois, je suppose, si je pars dans la préhistoire, tu vois, je suppose qu'on voyait un danger, il se passait un truc rapide dans notre cerveau qui faisait qu'on fuyait tout de suite, histoire de survivre, tu vois. Mais je trouve que le bus, ça fait sûrement appel au même mécanisme, mais dans le sens inverse. C'est genre, tes yeux, ils voient le bus, et là, bim, ton cerveau, il réfléchit plus, t'es déjà en train de courir comme un ouf, tu vois, pour monter dans le machin. Ton cerveau, il a réussi à faire un raccourci entre il y a bus, yeux, bus, jambes égale à donf, tu vois. Et le truc est vraiment rapide, comme si ça relevait de la survie, tu vois. Et ça, c'est ça que j'ai toujours trouvé extraordinaire avec les bus. Et aussi, ce qui est extraordinaire, c'est que quand tu arrives au bus, tu t'aperçois, quand tu es extrêmement essoufflé, mais que tu es dans le bus, ou alors que tu l'as pas, que tu es dans le fail, peu importe, ouais. Et tu te dis, mais jamais autrement tu te serais poussé dans un état d'essoufflement pareil. C'est vrai, en plus. T'as complètement oublié tes capacités physiques, t'as l'autre bus qui arrive dans 5 minutes, mais non, quoi. Ouais, et puis tu voudrais que... Et puis quand t'as attrapé le bus, tu voudrais que les gens ils t'acclament dans le bus, tu sais, ouais, les gens ils te regardent. Ouais, lui il l'a fait. Ils ont fait la même chose que toi juste avant. Alors qu'en fait ils te regardent et tu te disent, oh purée, celui-là, il va arriver tout transpirant à côté de moi, tu vois, c'est pas le. T'assieds pas à côté de moi, mec. C'est ça. Ouais. Jamais. En vrai, ils te respectent pas tant que ça. Mais... C'est clair, pourtant. En tout cas, ouais. J'ai bien aimé le fait de prendre le chauffeur pour un coach aussi. Pour un coach, voire pour un ennemi, c'est genre, tu l'as défié, tu vois. Et lui, il te défie en voulant fermer la porte ou en se barrant un peu plus tôt. J'avais l'impression parfois que le bus gérait un petit peu son allure pour me laisser espoir. Une petite accélération. En plus, juste après l'arrêt de bus, il y avait un feu ouais. Tricolore. Et j'ai l'impression qu'il gérait même pour que je me fasse avoir. Enfin, bon, ouais, c'était. T'es dans un film, ouais, l'espace de 200 mètres. Ah ouais, mais pendant dans un film. Pendant 200 mètres, tu joues. Enfin, c'est héroïque, ou alors t'es pas loin du crime, quoi. T'as envie de tuer, quoi. Enfin, j'ai pas eu ce putain de bus. Il y en a un 10 minutes plus tard, quoi. C'est terrible. Non, mais. Mais c'est ça aussi, c'est qu'il n'y a plus de côté rationnel, même si tu vois, tu n'y réfléchis pas au fait qu'il y en a un dans deux minutes, tu vois, tu ne réfléchis pas, il y a le bus, tu cours. Point barre. C'est peut-être l'esprit du coureur qui vient de profondément en nous, quoi. Peut-être, ouais. Après, il y a un autre réflexe, c'est je loupe un transport, on est des runners, tout ça, on se dit, enfin, je veux dire, les conditions, elles ne s'y prêtent pas du tout, quoi. On est en Santiago. Et on va courir. On est avec un gros sac et on se dit, mince, j'ai raté le train, le bus ou n'importe quoi. Et on calcule, quoi. On se dit, si je vais à pied, en trottinant, je peux arriver à telle heure, etc. Alors que c'est impossible, quoi. Je veux dire, il y a 15 km à faire, t'es pas du tout équipé pour, ça le fait pas du tout, quoi. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, je me suis endormi dans le train, j'ai loupé mon arrêt et je me suis retrouvé un peu loin, quoi. Et j'avais un rendez-vous, mais j'ai quand même, premier réflexe, c'était pas de me dire comment je vais trouver un autre train, je vais trouver un taxi, on va venir me chercher ou quoi. Premier réflexe, c'était de me dire à combien de bornes je suis, je regarde sur Google un petit peu pour voir si c'est faisable et je regarde ce que j'ai au pied pour voir si on peut envisager une petite course. Juste avant d'aller bosser, en plus, ça tombe super bien, ça se goupille bien. Et bon, voilà, c'est le premier réflexe que tu as, quoi, en tant que runner. Voilà. C'est vrai que je constate aussi pas mal au boulot, surtout, où j'ai moins de coureurs personnellement dans mon travail, et tu vois les gens qui envisagent pas du tout les distances comme toi, en fait. Oui, c'est genre, vrai ça. Ouais, c'est vrai. Eux, ils ont 1 km, tu sais, il y en a un, il peut te sortir facilement, tu dis ouais, c'est 1 km, il dit quoi, c'est à 1 demi-heure. Et là, tu te dis non, on n'a vraiment pas la même notion du kilomètre. Tu vois que beaucoup se sont jamais posé la question de combien de temps tu mets pour faire 1 km. Tu vois, et c'est pas si connu que ça. Et moi, quand je dis que par exemple, je peux marcher 2 bornes et demie et que ça me choque pas plus que ça, ouais. Tu vois, j'ai l'impression que je viens d'annoncer que je suis le king de la planète. Tu vois. Et en même temps. Alors que j'ai juste marché 30 minutes. Voilà. Et en même temps, quand tu dois attraper ton train, tu es un petit peu en retard, premier truc que tu fais aussi, c'est de calculer la vitesse moyenne au kilomètre, et tu te dis, de toute façon, à 15 km/h, ça passe. Mais oui, ça passe, ouais. Mais ça peut pas passer comme ça. Non, ça marche pas. Ça marche pas, ouais. C'est des déformations, pas des déformations professionnelles, presque, mais justement des déformations liées au running. Ouais. Ouais, c'est tellement ça. Ouais. Ouais. Bon, en parlant de retard, dans le quotidien, comment on fait quand on est. Quand on est toujours en retard, comment on fait pour composer dans le quotidien avec ça? Est-ce que c'est une contrainte ou pas? Je crois que c'est. Personnellement, je crois qu'on peut me qualifier de retardataire complètement, ouais. Mais je crois que ça libère, en fait. Ça libère d'être en retard. Ça libère de beaucoup de stress. Parce que tu as justement développé plein de choses pour dédramatiser ton retard. Mm-hmm. Tandis que quand t'as quelqu'un qui est en retard, mettons quelqu'un qui est tout le temps à l'heure, et un jour, pour des raisons complètement hors de sa volonté, hors de son contrôle, il est à la bourre sur un truc qui lui paraît un peu important, il est désemparé, c'est la fin du monde et tout. Alors que toi, vu que t'étais un multi-récidiviste, tu t'en fous presque, tu vois, tu vois. Et le fait de pratiquer le retard, je pense que ça aide beaucoup, parce que dans un monde où, voilà, où il peut avoir pas mal d'imprévus ou autre, autant être vacciné du retard, à mon avis. Moi, je pense que ça m'aide beaucoup d'être vacciné du retard. Mais ça t'a jamais posé de soucis au niveau professionnel, par exemple, ou... Si, ça peut m'en poser. Ça peut m'en poser. Je suis trop limite tout le temps, et parfois, c'est à la limite... voilà, j'ai la chance de ne pas avoir d'horaires normaux, de ne pas avoir d'horaires, on va dire, c'est-à-dire que je ne dois pas pointer au bureau à telle heure. En revanche, si j'ai une réunion client le matin, il faut que j'y sois. Si je ne suis pas, c'est pâté. Ça ne va pas, quoi, en gros. Et ça ouais, parfois, je suis un peu limite ce n'est pas génial. C'est sûr que si je pouvais m'en passer, je m'en passerais, mais j'ai l'impression que c'est un peu inéluctable. C'est dur de trouver le juste milieu. Pratiquer être le retardataire lifestyle, ça a ses limites aussi. De temps en temps, quand tu veux vraiment être à l'heure, t'as quand même du mal, quoi. Et toi, David, dans ta vie, tu fais comment pour gérer ça? Je ne suis jamais en retard. Non, mais si, mais là aussi, j'ai la chance d'avoir un métier où je ne suis pas tout le temps en rendez-vous, donc je ne suis pas toujours attendu. Et en même temps, au niveau de l'amplitude horaire, je donne pas mal de... Enfin, je m'investis pas mal. Je regrette quand même parfois dans le regard de certains collègues qui te voient arriver alors qu'ils sont là depuis 1h30, qui sont déjà au 6e café et qui sont prêts à dégainer le sandwich au jambon, que ce soit encore mal vu, puisque de toute façon... On a du temps à passer au travail, on le passe, des tâches à exécuter, on les fait. Voilà, enfin, je veux dire, arriver 15 minutes en retard, c'est pas dramatique, mais c'est encore mal vu de toute façon d'avoir un peu de souplesse au niveau des horaires, et ça, je le regrette. Ouais, c'est vrai que c'est très, encore une fois, c'est très français, je pense, hein. Moi qui ai travaillé, je travaille en Angleterre et aux États-Unis. Et en France. Et je peux te dire que, par exemple, en Angleterre, il y avait beaucoup de gens qui partaient, si je reste sur le côté professionnel, qui partaient hyper tôt. Mais personne n'en disait rien parce que pendant toute la journée, ils étaient très efficaces, quoi. Bon, attends, parce que là, on a un peu dévié. Je vais essayer de revenir. C'est pas mal éloigné du running. Ouais, on s'est éloigné. Mais c'est intéressant de parler de... D'autres choses. De ça, quoi. Puis de la façon dont on voit le temps. Pourquoi, en fait, finalement, la ponctualité, la rapidité, maîtriser son temps, finalement, c'est quoi l'intérêt derrière? Pourquoi il faudrait suivre ce modèle-là? parce que c'est dicté par notre société, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est, je me permets une anecdote rapide, je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais je la lâche là parce que c'est le contexte qui prête. Quand en 2014, avec Carole, on s'était lancé un peu foufou dans le marathon des sables, et qu'on avait vécu du coup une semaine à faire une épreuve de course à pied par jour, et ben on avait pas, enfin, moi j'avais pas de montre en fait, je sais pas quelle heure il était, et en fait, ton objectif dans cette course-là, et c'est l'objectif de tout le monde, c'est le même, c'est chaque jour, c'est d'avancer un certain nombre de kilomètres d'un point A à un point B. Ouais. Et une fois que tu as fait cette tâche, dans le temps qui est le tien, en fait, et ben ta journée est finie, donc tu as fini l'objectif de ta journée, il n'y a plus vraiment grand-chose d'autre à faire, finalement. Tu sais que c'est une notion de l'accomplissement et de la productivité qui est complètement différente. C'est tu as une tâche, tu l'as fait, c'est fini. Et du coup... dans le même sens, tu te levais en fait avec le jour et dès qu'il faisait nuit dehors, bah, t'avais plus rien à faire à part dormir. Donc ça devenait évident de respecter le cycle normal en fait de la lumière, parce que voilà, le matin il fait nuit, tu peux rien faire, et le soir, bah, dès qu'il fait noir, bah, tu peux rien faire non plus. Donc en fait, quelque part, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement différent de la manière dont on voit le temps au quotidien. Nous, avec nos montres, on va au travail à telle heure, on bouffe à midi puisque la cafette elle ouvre, machin. C'était totalement différent. Des objectifs que tu mesures juste au jugé, finalement. Bon, là, c'est les règles de la course, hein, mais si on suppose un marathon des sables version des gens, des autochtones, des locaux qui ont juste leur vie à assurer, leur survie à assurer, leur vie à assurer, ben, en fait, c'est une notion très différente. C'est aujourd'hui, j'ai prévu ça, je le fais, il fait noir, je dors, il fait jour, je me lève et j'ai un autre projet, quoi. Oui, c'est dicté par d'autres problématiques, quoi. C'est ça, et je trouve ça vachement attirant. Franchement, ouais, c'est notre façon de... Ouais. Bah en même temps, enfin c'est pas tout à fait pareil, mais en ultra c'est un peu ça aussi, la notion du temps tu l'as plus, hein, quand tu pars sur des courses longues comme ça, ton objectif c'est plus que d'aller à tel ravitaillement ou aller à tel arriver jusque à la ligne d'arrivée. Enfin, il y a quand même la barrière horaire qui est quand même un sacré truc de monochrone. C'est les monochrones, ça, t'as vu, ils sont contre toi, les monochrones, cette bande de chacals, je te promets. Ces chacals de monochrone, ils veulent te prendre ton dossard. Donc toi, tu demandes juste que d'avancer, tu vois. Tu veux juste continuer, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai, ouais, la notion du temps n'est pas là sur ultra. Et surtout, un truc assez marrant, c'est que la manière dont on s'alimente aussi, elle est purement dictée par les sensations. Exactement, Ce qui n'est pas du tout vrai dans notre quotidien, en fait. Pour la plupart des gens, je veux dire. C'est vrai, tu vas à 12h à la cantine parce que t'es calibré pour aller à 12h à la cantine. Sinon, après, à 13h, il y a trop de monde. Et même si t'avais pas spécialement la dalle, bah, t'y allais à midi parce que voilà, les collègues, ils sont allés à midi. Enfin, en fait, on est vraiment dans des modèles où on n'écoute pas, en fait. On suit le cadre. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Après, David, t'as quelque chose à... Ouais, en fait, je pourrais juste ajouter un truc, c'est que ma chronique, c'était un peu volontairement une sorte d'éloge au retard qui peut bien m'arranger aussi. Hein, et... Ouais. Donc, c'était un peu... cette vision optimiste était un peu opportuniste. Je peux quand même dire que être en retard, d'après certains médecins, ce serait dû à un déficit qui affecte une région du cerveau, donc un trouble comportemental. Mais c'est vrai, en plus. Ça m'étonne pas, tiens. Ouais. Non, mais si, c'est étudié comme ça. Donc, le retardataire est une victime. Non, mais... Oui. Non, mais je veux dire par là que le retardataire, c'est aussi... ça peut aussi être quelqu'un d'égocentrique. On dit, par exemple, tu fais ta starlette, tu te fais attendre. Enfin, tu vois, c'est... Ah, ouais. Il y a d'autres... Il y a d'autres paramètres comme ça. Ça peut être aussi pour montrer sa supériorité. On se fait désirer, quoi. Et à contrario, il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais l'individu qui est toujours en avance. Et lui, on a tendance dans notre société même à estimer que c'est bien, il est en avance et tout. Alors que ça peut traduire chez lui d'autres troubles un peu maladifs, comme une forme d'anxiété, une sorte de peur de ne pas pouvoir gérer un imprévu, un manque de confiance en soi, quoi. Tu vois. Et bon. Voilà. Moi, ça me le fait quand je vais dans des endroits que je connais pas, tout ça. Je préfère. T'arrives largement à l'avance. Hyper en avance, ouais, parce que j'ai la trouille de. Je sais pas quoi, je me plante de route ou machin. Ouais. Ouais, c'est, ouais. Alors que quand t'es un retardataire, comme le sous-entendait un petit peu Émir tout à l'heure, eh ben t'apprends, tu t'adaptes en fait, et t'apprends à avoir des réflexes qui te permettent de toute façon de retomber sur tes pattes. Sur quoi. Tes pattes, ouais. Ouais, ouais. Ouais, non mais. Ouais. Voilà. Bon, moi, je voulais dire aussi, tu sais, dans ta chronique, David, tu l'as fait. Je pense exprès, je te connais un petit peu maintenant, mais tu nous as donné la vision de dire que une personne monochrone par rapport à la course à pied, hein, je relis à la course à pied, une personne monochrone, elle sera associée avec le côté, son seul but, ce serait la performance et les chronos, et la personne polychrone, elle serait plus cool, elle, et elle prendrait le temps d'apprécier la course pour d'autres choses que le chrono, etc. Mmh. Ouais, d'autres raisons. Je suis pas tout à fait d'accord. Non, ça me plaît pas. C'est trop manichéen, c'est trop tranché, ouais. C'est ça? Ouais. Eh ben, tu as tort. Non, mais t'as tout à fait raison. En course à pied, par exemple, il est impossible d'être toujours au taquet. Et donc, de toute façon, une saison sportive est composée de moments, de pics ou de moments de forme, de moments de méforme, de moments où on est concentré sur ses objectifs et des moments où on est concentré sur le plaisir, d'autres paramètres, d'autres critères. Et c'est très bien comme ça. Mais aussi, tu peux... Ouais, vas-y. Non, mais je trouvais intéressant quand même cette distinction qui était faite par notre ami T. Hall, deux modèles culturels qui peuvent aussi en dire long sur notre nature. Hein? Ouais, non, c'est vrai, c'est vraiment intéressant. Mais pour la course à pied, moi je dirais, tu vois, par exemple, moi qui suis assez, je pense, dans la vie en général, plus du côté monochrone, j'aime bien que les choses soient bien organisées et tout ça, ben, en course à pied... Au contraire, tu vois, justement, ça serait plus le contraire. Et je suis pas... tout ce qui m'oblige à avoir la course à pied de façon trop cadrée, ça m'énerve plutôt qu'autre chose. Parce que justement, la course à pied, pour moi, c'est quelque chose où je suis plus tranquille, quoi. Et où j'apprécie de pas être hyper... bloquée sur des temps. Ou... D'ailleurs, ça m'énerve beaucoup. Les montres et tout, ça... Ma montre, elle fait le minimum, et ça me suffit amplement, quoi, parce que sinon, ça... Non, donc je me prends déjà assez la tête ailleurs, donc voilà. Oui, donc le sport, la course, est aussi une bulle qui te permet d'exprimer d'autres facettes de ta personnalité. Voilà, exactement. Wow. Qu'est-ce que t'en penses, Émir ? Ouais, je partage ce qui se dit, j'ai pas de commentaire particulier. Pas de commentaire, no comment. Ouais, je ne commente pas. Ok. Okay. Bon, pour finir un petit peu la discussion là, est-ce que vous avez peut-être des petits retards en situation de course à nous raconter, une petite quelque chose qui s'est passé peut-être en rapport à la course à pied, le retard, il y a pas, vous avez pas des petites anecdotes hein? Vas-y, Emir. Là, j'ai des trucs à dire. Vas-y, on t'écoute. Ouais, du retard, ouais, j'en ai fait... Et c'est là aussi hein, où, où j'ai envie de dire, du coup, être en retard à une course, au début, je croyais que c'était grave. jusqu'à ce que je l'ai fait 5 fois et que j'ai compris qu'en fait, non, c'est bon, ça passe. C'est bon, tu vois. Et c'est bon. Et y a notamment là, un des retards les plus historiques de ma vie, c'est... Et pour une fois, c'était même pas nous les responsables. C'était avec un pote, Tando, je sais pas si vous le connaissez via les réseaux sociaux peut-être... qui est un grand marathonien aussi, hein, qui fait je sais pas combien de dizaines de marathons par an. Bon, bref, c'est pas l'objet. On était devenus potes depuis un an et quelques, et on s'était donné rendez-vous au semi de Saint-Vitz. Alors, semi de Saint-Vitz, c'est dans le 95, hein, qu'on devait courir ensemble, du coup, et Tando devait venir nous chercher en véhicule, nous n'étant pas véhiculés, pour nous y amener. Donc, du coup, nous, on s'était donné un point de rendez-vous près du domicile de Carole. On attend, on s'aperçoit que une demi-heure avant le départ du semi, Tando était toujours pas là. aussi. Et là, on se dit, bon, ça commence... tu passes par plusieurs états mentaux, parce que tu te dis, bon, 45 minutes, on est à l'heure, tu vois. Après, il te reste 30 minutes. Là, tu sais, tu commences à dire, bon, faudrait que ce si soit on maintenant. Se démerde pas mal, si on se démerde bien, ça passe, tu vois. Après, il te reste 20 minutes, tu commences à te dire, bon, là, c'est vraiment si les astres sont parfaitement alignés qu'on va prendre... Après, il te reste 10 minutes et là, tu te dis, bon, là, par contre, ça va être vraiment à la guerre comme à la guerre. Quoi. Tu t'arrives même plus à imaginer comment tu vas faire. Et le truc balèze, c'est que si mes souvenirs sont bons, Tando, il est arrivé pour nous récupérer à plus d'une demi-heure hein, du semi, une demi-heure après le départ. Ah ouais. Du coup... Tu pars normal, avec un handicap, là. Normal. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne s'est même pas dit... Je crois que on se disait, mais on n'y va pas, ça sert à rien, on n'y va plus. Mmh. Et en fait, Tando, il est arrivé, on se disait, ouais, avec Carole, on n'y va plus, mais Tando, il est arrivé, il était en sueur, il dit, non, j'ai fait la route, c'était dur, franchement, je suis désolé, non, faut qu'on y aille. Je lui dis, mais t'inquiète, Tando, c'est pas grave, on a juste loupé un semi. Et lui dit, non, faut qu'on y aille. Alors du coup, on y va, c'est juste limite pour lui, quoi, pour pas qu'il ait stressé pour rien. Et du coup, on débarque sur place. C'était un semi en deux boucles. On arrive, on prend le départ en même temps que le Kenyan qui avait déjà fait son premier tour. C'est un bon lièvre en même temps, tu sais. Ouais, c'était énorme. Et on prend le départ quand même, hein, on débarque. On est bénévoles à peine surpris de nous donner notre dossard alors que à la ça moitié, fait une heure ouais. que le semi est parti. Tu vois. Mais bon, on y retourne. Ah non, ils ont accepté. Et puis du coup, ouais, c'était marrant parce que pendant la course, c'était drôle. Non seulement t'avais certains bénévoles qui percutaient pas que t'étais visiblement trop lent pour être le premier et qui croyaient que t'étais justement le premier parce que t'es le premier à passer là. Ah toi. Ouais, ah ouais, c'est pas mal. Ah, mais les gars, on est déguisés en lapin, on est en train de faire un footing. Comment tu peux penser que je suis premier de la course? Bon. Bref, on était encouragés et tout. Et à la toute fin, bah, quand t'arrives et que du coup ça fait 3h30 au chrono final, tu sais, t'as tout le monde qui est hyper compatissant avec toi, comme si tu venais de faire le truc le plus dur de ta vie. Tu vois. Genre, oh, vous savez, vous y êtes presque là, ouais, ça fait 3h30 que vous y êtes. Tu sais, moi j'ai jamais eu l'occasion de vivre un semi en 3h30. Mais là, ouais, et là dur, tu ça. Sentais que les gens ils étaient à fond avec toi, tu vois. Ils sentaient que t'avais galéré. Et là, les oreilles de lapin. Bah du coup ils se disaient sûrement c'est quoi ces mecs qui ont perdu un pari, ils savaient pas courir, ouais. Ils sont venus là, ils sont mis les pauvres et c'était compatissant enfin voilà. Les guignols, c'est ça. Et voilà, donc ça je pense c'est mon retard le plus rigolo parce que on a quand même pris le départ malgré le fait que on était encore chez nous limite une demi-heure après l'heure. Et après ça, bon, du coup, tous les retards qu'on a vécu à base de 10 minutes après, 15 minutes après, les retards où, tu sais, ils avaient démonté, l'entreprise de chronométrage avait démonté la ligne de départ, tu sais. Ouais. On est arrivé, genre, parce que parfois, ils te la démontent immédiatement après. Donc, les courses à sas, c'est facile. T'es à la bourre, tu t'en fous, tu prends le sas de derrière, tu vois. Mais les courses qui partent en un seul sas, là, par contre, ouais, il se peut que le départ, il n'existe plus. Et pour peu que ça soit pas très bien balisé... C'est là où tu éprouves aussi le balisage, tu vois, c'est là où ouais, tu sais. Parce qu'au début, tu ne te poses pas de questions quand tu es dans le peloton, parce que voilà, là, tu n'as personne à suivre, et là, tu te dis, merde, c'est où? C'est du challenge en plus. C'est ça. Et tu as le moment trop stylé où tu commences à récupérer les derniers de la course et que tu te dis, ça y est, je suis de nouveau dans le peloton, tu vois. Ça, c'est mes moments, mes petits moments de retard. Pas mal. Ouais. Il y en a un, c'est-à-dire, si je fais de la promotion, de l'autopromotion de vidéos... Il y a un trail qui s'appelle le trail du Haut-Königsbourg qui se trouve du coup dans l'est de la France, qu'on a couru avec Carole en 2016 je crois, 2016. Donc si vous voulez voir un retard en vidéo où on débarque et qu'il n'y a strictement plus personne, bah voilà, c'est le trail du Haut-Königsbourg Lapin Runner sur YouTube. Ok, très bien. Bon, ouais, je pense que la transition, elle est toute faite, là, hein, parce qu'on va passer aux résolutions, vous me voyez venir. Ah. Ouais, la résolution pour 2018, ça vous dit pas de pour Jogging Bonito d'être monochrome pour gérer Jogging Bonito en 2018? Impossible. Vous en pensez quoi? On lutte pas contre sa nature profonde. On lui, ouais. Ok, bon. Et oui, les bonitos, hein, on vous a épargné les best-of, top, flop ou autres bilans plus ou moins profonds sur l'année écoulée, mais vous n'échapperez pas aux fameuses résolutions pour cette nouvelle année. Émir, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tes résolutions ne vont pas être très orthodoxes. Ouais. Tu commences à me connaître, je pense qu'on commence à me connaître. Hein. Si j'ai choisi le sujet, ce sujet, c'est pas... Je sais pas ce qu'il est thématique, hein. Déjà, bien sûr, on est au début de l'année, mais c'est pas forcément pour lui jeter des fleurs. Bon, c'est la première de l'année, ça fait longtemps que j'avais pas fait mon vieux aigri. Je trouve que ça fait longtemps, hein. Ça fait... C'est... La dernière fois, c'était l'année dernière. Ouais. Déjà, donc, vous et moi, on s'accordera déjà très facilement sur le fait que de se taper les 18 000 meilleurs vœux à vous et à vos proches, à des gens qu'on connaît pas ou à peine, c'est déjà entamer profondément son quota hypocrisie pour l'année à venir. Hein, ça, on est d'accord. Et la santé, surtout. Bref, vous êtes... Et la santé, l'oncle et la grand-mère, alors ils vont bien, ouais, d'accord, ouais. Bref, vous allez me comprendre, ma résolution à moi, c'est pas de me mettre à être consensuel en 2018 et de faire de la bienveillance malhonnête pour être bien vu. Alors, comme souvent, j'ai envie de frapper un peu dans ce manège de positivité friable et éphémère qu'on voit renaître tous les ans, au moins à trois reprises. La nouvelle année, bien sûr, c'est la thématique, la préparation du beach body et la rentrée des classes. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une résolution ? C'est une nouvelle habitude, souvent très positive et très commune, que l'on se propose d'intégrer à sa vie à la suite d'un changement d'année. Autrement dit, c'est le moment où on se dit que ce serait bien d'être mieux, sans nécessairement de conviction ni d'urgence, mais au moins de pouvoir répondre quand le moment viendra où quelqu'un nous dira « Eh, alors toi, c'est quoi tes résolutions pour 2018 ?» Bon, même si c'est pas un scoop, je vais commencer par rappeler quelles sont les résolutions les plus communes. Donc la première, je sais pas si c'est la première, hein, disons que je n'ai pas de statistiques, mais c'est les plus communes qu'on a tendance à entendre tout le temps. Bon, alors perdre du poids, évidemment, hein, manger plus sainement, faire plus de sport, se coucher plus tôt, lire davantage, et éventuellement faire des économies. Alors ça, c'est les choses avec toutes leurs variantes qu'on entend dans tous les sens. Donc être mieux, être un peu mieux sur des sujets où l'opinion générale juge que c'est mieux de manger plus sainement, c'est mieux de faire plus de sport, ce serait bien de se coucher tôt, enfin, bref, voilà, du très simple. Donc je m'arrête là, parce que ça sert à rien d'aller plus loin, c'est d'un banal révoltant en fait. D'ailleurs cette année, quand le sujet est arrivé sur le tapis, début janvier, j'ai eu l'impression que le concept même de la résolution était devenu un peu désuet, qu'il nous avait un petit peu lassés. Alors que j'ai souvent dans le passé entendu des gens jouer le jeu sérieusement. Genre, cette année, j'ai senti qu'il y avait beaucoup plus de lassitude qu'autre chose. Ce que j'ai perçu, c'était plus l'envie de briser cette tradition et envoyer balader le fait de s'infliger un cadre ou le fait de s'imposer un truc à tenir, et du coup le fait aussi de risquer de reconnaître à plus ou moins court terme qu'on a une fois de plus pas tenu cette résolution. Donc c'est ce que j'ai ressenti, mais pourtant, les salles de sport, elles sont toujours pleines à craquer en janvier, et les parcs, ils sont toujours remplis de runners qui viennent d'hériter d'un nouvel élan de motivation, et qui sortent tout juste de Décathlon avec la panoplie KLNJ Winter Collection 2018. Quoi. À croire que le concept de la résolution, finalement, bah, il survit. Donc pour limiter la casse, moi je vais faire comme souvent, même si j'arrive un peu trop tard, je vais vous proposer mes contre-résolutions pour l'année 2018, pour une année de course à pied réussie. Alors faites gaffe, ça part dans tous les sens. Bon, déjà, brûlez tous vos plans d'entraînement, directement, on les crame. Ensuite, on brûle tous les cadres possibles, on n'en a rien à faire. Ensuite, allez courir au moins une fois avec un t-shirt en coton, pour voir si c'est vraiment moins bien, parce que je suis sûr que vous ne savez pas en fait. Est-ce que vous avez déjà osé le truc ? On vous a toujours dit, ouais, les tissus techniques, machin, est-ce que vous avez vraiment tenté le coton ? Ah, à tester en 2018. La tendance. Tendance 2018, le coton. Retentez le coton. Ayez votre avis sur le coton. Ouais, courir. Et la petite variante du coup, bah, achetez-vous une paire de chaussures KLNJ pour voir si c'est vraiment moins bien, hein, puisque personne n'a confiance, ça coûte moins cher que les grandes marques. Maintenant, autant se faire un avis en 2018. Si on vous propose quelque chose de nouveau ou de révolutionnaire, posez-vous la question si ça vous paraît fiable. Voilà. J'ai envie de la placer, celle-là. C'est nouveauté, on en a tout le temps. Voilà, c'est fait. Bam. Voilà. Très simple, n'ayez pas peur de faire moins de sport, ni même d'en faire plus. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça, c'est très basique, hein. Mais c'est souvent, moi j'entends souvent des gens qui ont une conviction arrêtée sur ce que vous devriez faire. Si vous devez faire plus ou moins, enfin, ils ont une conviction fortement arrêtée sur « Ah non, tu devrais en faire moins quand même », ou « Ah non, non, tu devrais accélérer un petit peu », tu vois, bon. Moi, j'ai envie d'envoyer balader ça. Pourquoi cette personne aurait plus de conviction que vous-même ? À quelle règle ça obéit ? Sur un état qui vous appartient. Ouais. À quelle règle ça obéit ? On n'en sait rien. Donc, n'ayons pas peur d'en faire moins ou plus à notre feeling. Mais bon, quand même, la petite nuance, c'est que si vous sentez que vous tirez sur la corde, il faut se calmer. Alors pourquoi il faut se calmer ? Parce que se calmer, c'est un pari à long terme. Quand on a trop d'engouement, c'est vrai que ça peut arriver, on a trop d'engouement, on a tendance à pas faire attention, à être moins vigilant, et du coup prendre effectivement des risques. Les risques, on les voit pas tant qu'ils ne sont pas avérés, tant qu'on déclenche pas de blessures, tant qu'on déclenche pas de problèmes. En revanche, le jour où ça arrive, et ben là, on regrette de pas avoir fait gaffe. Donc attention à vous. Et enfin, donc, si quelqu'un étale avec certitude ses théories sur quel est le meilleur entraînement, eh ben, tout simplement, demandez-lui ses sources. Voilà, mes quelques résolutions pour 2018. Ça part dans tous les sens. Mais je veux pas m'arrêter là, hein, parce que bon, maintenant que j'ai lâché pas mal de bave, ou plutôt pas mal de sueur sur le concept même de résolution, j'ai tout de même une chose à dire qui sera, je pense, un peu plus construite. Donc je pense sincèrement que les résolutions, ça part d'un bon sentiment. Donc dans un sens, ça, on peut voir ça comme positif. Mais elles ne sont pas adaptées à opérer des changements réels, tels que ce qu'elles voudraient nous faire croire. Donc je m'explique un petit peu. On sort des fêtes, lorsqu'on prend des résolutions en nouvelle année, donc on sort des fêtes où généralement on s'est fait plaisir, entre guillemets. Ce qui veut dire qu'on s'est tout simplement, on a mangé comme des halouf, un peu comme tout le monde. Donc c'est la fin des vacances, le calendrier a changé de page, voilà. Donc c'est une sorte d'alignement des astres qui donne envie de partir du bon pied. On a envie de se dire, je tourne une page, je deviens meilleur moi-même, qui produit un petit peu d'énergie positive. Le fait est que ces résolutions naissent du coup de cette énergie, de cet alignement des astres. Donc ça crée une petite flamme très toute jeune et toute temporaire, contextuelle justement au début de la nouvelle année. Donc le seul moyen pour que le fruit de cette énergie ne disparaisse pas, et donc qui ferait que les résolutions ne soient pas tenues, c'est de parvenir à implanter des habitudes. Parce que les habitudes survivront à une énergie qui fluctue. Le seul moyen pour que le fruit de cette énergie ne disparaisse pas, et donc qui ferait que les résolutions ne sont pas tenues, c'est de parvenir à implanter des habitudes. En fait, ce que nous tentons de faire en prenant des résolutions, c'est de profiter d'une toute petite quantité d'énergie, donc nouvelle et éphémère, et de tenter de l'utiliser pour travailler à un changement d'une routine qui, elle est probablement ancrée depuis des lustres. Donc pourquoi les résolutions ne sont pas tenues ? Eh bien, à mon avis, c'est pour la même raison qu'on ne peut pas soulever un citerne chargé avec un petit cric de Clio. On ne peut pas changer des habitudes ancrées avec une micro-source d'énergie instable de début d'année. L'outil n'est pas le bon, ou alors l'élan n'est pas suffisant. Comme ça que je vois les choses. La question se résume donc à comment changer ses habitudes durablement, finalement, plutôt que de prendre des résolutions qui seront potentiellement pas tenues. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est pas forcément l'objet, mais pour moi, il y a quelques bonnes pratiques à suivre si vous voulez vraiment opérer un changement. On en a déjà parlé, mais je récapitule ici à nouveau. Donc déjà, à mon avis, pour opérer à des changements, on ne peut pas se dire « je vais arrêter de fumer, je vais me mettre au sport, je vais manger mieux » et tout ça en même temps. Pour moi, ce sont chacun des énormes changements, ce sont chacun des changements fondamentaux d'habitude, et donc, si on veut opérer à un seul d'entre eux, il faut le faire, il faut y opérer individuellement, un seul gros changement à la fois. Donc arrêter de fumer, mieux manger, se mettre au running en même temps, ça paraît un bon moyen d'échouer en appliquant trop de contraintes simultanément sur ses habitudes. Donc à moins que vous ayez une ceinture noire en auto-changement et auquel cas vous n'avez même pas besoin de m'écouter, ne pas tenter d'acquérir plusieurs nouvelles habitudes en même temps. C'est un processus long, il faut être patient et attentif et y mettre de l'énergie, faire des efforts. Et enfin du coup un deuxième point pour moi c'est il ne faut surtout pas être en mode tout ou rien et ne pas se culpabiliser. Donc j'ai déjà dit, mais faire un peu, faire peu, faire pas grand chose, c'est mieux que ne rien faire. Et également louper une séance d'entraînement par flemme, c'est toujours mieux que de se dire « Ok, j'en ai loupé une, donc j'ai tout raté, donc j'arrête tout. » Louper une séance par flemme, c'est mieux que d'en louper 5, parce qu'on s'est dit que le projet ne tenait plus. Non, c'est pas grave. Autant s'autoriser des erreurs, ce qui nous permet d'être meilleur finalement dans ces nouvelles habitudes qu'on essaye d'implanter. Donc si vous échouez une fois à tenir votre nouvelle habitude, dites-vous que le jeu n'est pas fini et que personne ne vous impose de date. Il suffit de recommencer. Donc c'est donc avec quelque chose que je dis tout le temps que je vais conclure. Donc si les résolutions sont pour vous un moyen de se remettre le pied à l'étrier et qu'elles vous apportent du positif, ben dans ce cas-là, faites-vous plaisir. Mais si à l'inverse, vous les voyez comme le vieil gris que je suis, à savoir comme de la poudre aux yeux et un énième jeu ancré dans les mœurs qui non seulement est sans intérêt mais en plus est malhonnête, alors envoyez ce bullshit balader. Oh là là, ouais, d'accord. Vieil gris quoi, en 2018, Émir, là. Ah, moi, je voulais commencer l'année, tu vois. Tu commences direct, là. Je me suis demandé, au sujet de la chronique, j'ai dit, est-ce que je démarre l'année en faisant genre, je suis un nouveau mec et bonne résolution, quoi. Et non. Mais en fait, je me suis dit, non, faut être qui on est, fuck, merde. J'ai envie de démonter un truc, je démonte un truc. Oh. Voilà. Bon, mais David, bon. Toi, t'as pas une petite résolution pour 2018, quand même? J'en ai plein. Et effectivement, comme toute bonne résolution, elles seront, enfin, intenables, évidemment. non, qu'est-ce que je peux te dire? J'aimerais faire, en niveau sportif, bien sûr, plus d'étirements et respecter un jour et durablement mon protocole d'étirement pour le tendon, donc le protocole Stanish. Mm-hmm. Et je n'y arrive pas. Mais je ne sais pas ce qui se passe dans le cerveau. Mais le truc prend 3 minutes à faire, quoi. Et impossible. Et il faut juste des escaliers, il faut rien d'autre. Et je j'arrive pas à m'y tenir. Et avec ça, un petit peu de renforcement musculaire, ça pourrait être bien. Mais en même temps, si je fais toute une liste comme ça, Emir va me rattraper, il va me dire, c'est mort de toute façon, avec ta liste, trop d'un coup. Tu ne feras rien, quoi. Donc il faudrait faire un choix parmi toutes les résolutions possibles, et je suis assez d'accord que changer une habitude, ou alors essayer de se tenir à une seule résolution, peut-être ça peut être un bon début. Donc moi j'aurais aimé aussi faire un peu plus de courses, parce que je me rends compte que aller en compétition, c'est ce qui me fait progresser, ce qui me fait tenir un niveau. Et moins je fais de compétition, plus je m'englue un peu dans un rythme. Voilà, faire un peu de fractionné aussi, parce que c'est justement ça empêche la routine, le petit rythme de sénateur. Si tu veux, je te conseille un bon entraînement de fractionné. Ouais. C'est Jogging Bonito numéro 11, je crois. Ah, bah écoute, je l'écouterai. Hein. J'ai vu au niveau du nombre de visites, il est peu probable que 100% des personnes présentes sur ce podcast ce soir l'aient écouté. Ouais, écoutez, ouais, fait. Ça, c'est une autre histoire. Ouais. Donc, autre dernière petite résolution à laquelle je pense, là, c'est essayer au moins, enfin je veux dire une fois par mois de me lever quand le réveil sonne à 5h du mat pour aller courir voilà, au petit matin comme ça. Je n'y arrive jamais. Ça a dû m'arriver 3 fois depuis le début de mon existence. et je sais pas comment c'est arrivé. mais j'aimerais bien m'y tenir. Il y avait pas un truc dans le lit qui t'a fait te lever. Par hasard. Non, mais tu sais, t'essayes tout ça. Hein. T'essayes toutes les astuces. La fameuse, je mets le téléphone à l'autre bout de la pièce ou le réveil à l'autre bout de la pièce pour m'obliger à me lever. Mais bizarrement. Le chemin que tu arrives à faire pour aller arrêter la sonnerie, il est aussi facile à faire dans l'autre sens. Enfin, ça se fait de façon très efficace, quoi. Honnêtement, si je devais retenir une résolution, j'hésiterais entre le protocole de Stanish avec les étirements, un peu de renforcement. Et puis cette capacité à me lever à se lever à 5h du matin pour aller courir et puis avoir la journée devant soi sans que c'est gêné personne dans la famille et tout ça. Ouais. Et puis voir le soleil se lever, même si à 5h du matin c'est pas évident, mais l'été par contre en partant légèrement un peu plus tard, c'est possible et c'est tellement agréable. Mais tu sais, moi je te dis un truc, une mauvaise habitude c'est comme une bonne habitude, c'est une habitude. Donc à partir du moment où tu continues, hop, ça devient ancré, ça devient une habitude, et là c'est devenu une bonne habitude, et voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Oula, c'était trop profond ce que je viens de dire. Je suis encore en train de processer le truc. Mon cerveau il traite. on vous mettra des explications en note de ce podcast, bien sûr, comme d'habitude. Bien sûr. C'est vrai, non. Que ça, on l'oublie jamais. On n'oublie jamais de cette résolution. Comme d'habitude. C'est là où tout. On est rigoureux. Ouais, tout comme d'habitude, monochrone et tout ça, organisé, etc. C'est ça. Non, mais pour revenir sur les objets, enfin les résolutions. Moi, en début d'année, bon, je sais pas si c'est vraiment le début d'année qui me fait Faut dire que mon anniversaire est en janvier et c'est plutôt ça qui me fait réfléchir à mon année et à me poser du coup des... pas forcément des résolutions, mais des objectifs plutôt. Je vois ça comme ça, moi. Et je trouve pas ça... Est-ce que tu comptes en année de ta vie, pas en année calendaire ? Ouais, je pense que c'est plus ça. Après, je peux pas te dire, mais ouais. C'est pas forcément le début d'année qui va me faire me poser des questions. C'est plus mon anniversaire. Ah ouais ? Ouais. Et du coup, tu vois, plutôt que des résolutions, moi j'aime bien, je trouve que c'est utile de se poser des objectifs. En se disant, bah, cette année, j'aimerais bien faire ça et ça. Mais par contre, pour y arriver... J'aime bien découper les choses en me disant, ok, alors tu veux faire ça, mais ça veut dire quoi, un petit step concret pour y arriver, et puis refaire quelques petits bilans dans l'année pour voir, tiens, bah, finalement, j'avais dit que je ferais ça, je ne l'ai pas fait, pourquoi, est-ce que finalement, j'ai toujours envie de le faire ou je n'ai pas envie de le faire. Et ça quand même, à la fin de l'année, si tu as fait des trucs, tu vois, ça procure quand même un certain... Je précise aussi pour les auditeurs qu'on traduira régulièrement aussi le année. On fera une petite modification au niveau du fichier sonore, un petit effet pour que vous le compreniez le mieux possible. Justement, dis-nous alors, qu'est-ce que tu as, parce que c'est d'actualité, vu que c'est janvier, ton anniversaire. Qu'est-ce que tu as en tête au niveau de tes... Alors, il y a des trucs plus personnels, mais un truc, par exemple, tu vois, je me suis lancée dans une formation pour devenir prof de Pilates, et du coup, j'aimerais bien que cette année, je puisse passer la certification à la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Tu vois, et pour ça, mes différents steps, c'est de faire toutes les étapes qu'il y a à faire pour arriver à la certification. Monochrome. Ok. Tu vois. Et t'as découpé ça comment du coup ? Sur plein de petits steps répartis sur toute l'année, plus petits et plus atteignables et plus concrets et... Ouais, après j'ai ensuite... pas non plus planifié le truc, je sais pas non plus, mais tu vois, il y a des étapes à faire qui sont obligatoires pour faire la certification, comme notamment un truc qui paraît tout à fait logique, c'est de pouvoir faire du... Attends, vas-y, je cherche le mot en français... donner des cours. Dis-le en anglais. Non, mais donner des cours en tant que prof étudiant, quoi, si tu veux. Parce qu'il faut bien quand même avoir un peu de pratique dans le teaching avant de pouvoir passer ta certification. Oui, en effet. Donc ça, par exemple, il faut que je me bouge les fesses et que j'essaie de trouver des clients pour ça et comment je vais trouver les clients. Tu vois, tout ça, il faut que... C'est ça mes steps, quoi, tu vois. Je me dis, alors, tu te poses, tu réfléchis, quels sont les clients que tu aimerais avoir, comment tu peux les atteindre, envoie des emails, voilà. Et je pense que... Okay. Tu vois, je pense que... Enfin, en tout cas, pour moi, ça marche bien. J'aime bien me poser ces questions-là, parce que sinon, de voir un objectif trop grand à la fin, je le ferai, ça me fait peur. Je me dis, je vais jamais y arriver, il y a trop de trucs à faire, et voilà, quoi. Je comprends, je vois la stratégie du découpage en petits trucs plus atteignables et à plus court terme. Ça me paraît évident que ça aide d'avoir des choses concrètes et immédiates plutôt qu'un truc énorme trop loin. Quoi. Ça m'a l'air d'être une bonne pratique de découper comme ça. Ouais. Et par contre, moi, j'ai marqué un truc, c'est que c'est aussi en vieillissant que je me rends compte que je me pose plus de questions sur tout ça. Peut-être parce que j'ai l'impression que le temps passe trop vite et du coup, j'ai envie de plus me poser des objectifs et essayer d'évoluer plus. Je me posais moins de questions quand j'étais plus jeune. Je sais pas vous. Ah, c'est le syndrome du compteur qui tourne, quoi. Tu commences à regarder à l'heure et tu te dis, est-ce que j'ai foutu quelque chose avec ma life ? C'est ça, tu vois. Ouais. Ouais, je comprends. Quand on est jeune, on est tranquille, on n'a pas ça en tête. On se dit, bon, ça va, j'ai le temps de rien faire, de toute façon, je suis jeune. Tu vois, c'est ça. Et plus ça va, plus tu te plus dis... Plus t'es plus jeune, et puis je te dis, mince, quoi, les années passent, et tant, finalement, t'as fait quoi ? Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça, les résolutions, voilà, c'est bon. C'est sûr que si c'est des résolutions prises comme ça, là, juste par... allez, je veux de nouvelles résolutions, mais si c'est bien réfléchi, je pense que ça peut être une bonne chose, moi. Bon, très bien. Bon, alors, Émir, du coup, on t'a pas convaincu ? T'as pas une petite résolution, là, ou un petit objectif pour 2018 ? Ouais, alors, du coup, si on se dit qu'objectif et résolution, ça se ressemble... Mm-hmm. Bah, enfin, dans moi, c'est cas-là, ce que si. Je me dis. Après, je sais pas. Enfin, j'ai peut-être dévié, mais pour moi, c'est plus objectif que résolution en début d'année. Mais bon. Ouais, d'accord. Bah, dans ces cas-là, disons que j'adhère un peu plus, enfin, Ouais. beaucoup plus au concept d'objectif de l'année, parce que ça me paraît quand même. Alors, un objectif, ça me paraît déjà, peut-être que c'est que du vocabulaire, hein, mais beaucoup plus réfléchi et beaucoup plus spécifique qu'une résolution, qui pour moi sonne comme le machin tout générique, tout moisi, que tout le monde dit pareil au début d'année et qui tient pas plus de 3 mois, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que. Pour moi, s'il y a des objectifs que tu définis là ou que tu définis dans le cadre d'un sport ou d'une passion, bah c'est pas des choses que t'as voulu faire comme les autres et avoir des objectifs, c'est personnel finalement. Alors que l'histoire des résolutions, j'ai l'impression qu'on se force entre guillemets à en avoir parce que les autres en ont, alors qu'en fait, à la base, on s'en fout peut-être un peu et du coup, ça fait qu'on se trimballe un truc qu'on tiendra pas. Je sais pas si je suis clair, mais j'ai l'impression Non, que les si, si. objectifs, c'est plus personnel, et du coup, ça a plus de sens. Ça, en tout cas, ça a plus de sens à mes yeux. Maintenant, qu'est-ce que j'ai comme objectif? Moi, j'aimerais. Enfin, déjà, on a été pris avec Carole à l'UTMB, donc objectif sportif, c'est quand même de prendre notre revanche sur 2016. On y était allé, mais pas terminé. 130e, on a tapé la barrière des monochrones. Et du coup. Vas-y, là, tu seras équipé là. Si tu veux, on sera derrière toi avec David. On va t'imprimer les barrières horaires et tout, tu vas voir. Là, tu te feras pas avoir ce coup-ci, quoi. Et à chaque fois que tu passeras une barrière, tu leur montreras ta petite feuille, tu diras, vous avez vu, les gars. Je le C'est savais ça. qu'elle était là, la barrière, les gars. Ah, cette fois-ci, je me suis pas fait avoir une deuxième fois. Ouais, cette satisfaction, j'aimerais bien aller la chercher, de se dire que ce trail énorme, on l'a fait. Si, je pense que l'objectif, il est là, ouais. Après, ouais, c'est à peu près tout. Je suis peut-être moins Ouais, c'est exigeant déjà cette bien. année sur la course que les années passées, parce que j'ai l'impression que, même si c'est totalement faux et peut-être prétentieux de dire ça, j'ai l'impression que j'ai fait un cycle, je crois, j'ai fait un tour, on va dire, Ouais. de ce que j'avais à voir dans ce sport, quoi. J'ai l'impression. Donc j'ai moins d'attentes et moins envie d'en mettre dans tous les sens, comme quand j'avais l'enthousiasme de vouloir en faire un maximum. Ouais, Donc, ok. me dérange pas de faire moins, en fait, cette année. Ok, très bien. Cette Et toi, année, pardon. David? Je voudrais juste ajouter que cette histoire de résolution, ça participe aussi au petit mouvement qui voudrait faire de nous, qu'il faudrait faire de nous des personnes meilleures. Moi, c'est pas Oui. trop, Ah ouais, c'est c'est vrai. ouais, c'est pas trop mon truc. Moi, et c'est pas d'hier, hein. J'ai toujours ressenti l'envie de faire de mon mieux, mais pas. En recherche de perfection ou voilà quoi. Je trouve qu'il y a plus de richesse à obtenir à se concentrer sur les autres, offrir de la disponibilité, des bons moments et pas forcément tout optimiser pour gagner plus d'argent ou pour remplir plus d'objectifs dans sa to-do list. T'as raison. Bah écoute, là, franchement, tu nous conclus le débat parfaitement. J'aurais pas dit mieux. Ouais, propre. Enfin, j'avais une J'ai autre kiffé. conclusion à vous proposer. Ah bah tu peux y aller parce que là, t'es très bon. Mais vas-y. Ouais, ben disons que en tant que personne qui vient fan des années 90, qui vient de se refaire une coupe au bol, je suis très très tenté par la proposition d'Emir du retour au coton. Ah oui. Mais bio, hein, s'il te plaît. oui, ouais. Et Sur la toile. équitable, s'il te plaît, Et équitable. équitable. Ouais. Voilà. Bon, les Magnifique. bonitos, que vous soyez plein de résolutions ou non, monochrone ou polychrone, on vous aime comme vous êtes, mais il est temps de se dire au revoir. N'hésitez pas de venir continuer la discussion avec nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube, le Club Strava, Jogging Bonito, comme d'habitude, on vous attend. D'ailleurs, sachez que nous en sommes à 299 bonitos sur Facebook. En qui sera le 300e? Ouais. Le Le suspense est à son comble. suspense est à son comble. Je pense que je vais m'abonner. Ouais, ce serait une bonne idée. Ouais. Ce serait une bonne idée. J'en profite pour faire passer un petit message à Émir et Carole, parce qu'un de nos bonitos nous a signalé via Facebook qu'il existe une course prénommée le jogging des carottes à Oh, Melay, en sérieux? Belgique. Oui. Tout à fait. Le jogging des Melay. carottes, j'ai cru que c'était au Québec. Quand Non. t'as dit le Ouais. jogging des carottes. Écoute, D'accord. on me l'a dit ce matin, figure-toi. Je suis allée voir, ça existe. Donc c'est une honte, moi je trouve que vous n'y soyez jamais allé. Alors, ah bah ouais, objectif c'est pour 2018. C'est une honte qu'ils nous aient même pas appelé. Non mais du coup, il y a quoi comme spécificité? C'est juste le nom ou y a, c'est déguisé? C'est... Je pense que c'est... Je sais pas, j'en sais pas beaucoup plus. Ah, si juste c'est, si j'ai regardé... Si déguisé en carotte, ça serait des bars. Clairement, ça serait trop d'autres. C'est marrant. En septembre, ouais. Donc à Melay, en Belgique. Jogging des carottes. La distance, donc il y a grande distance et petite distance, après ce que je vois, c'est 10,8 km ou 6,2 km. Voilà. Et notre bonito se proposait de vous y amener. Le bonito, ouais. Donc, nous y amener. Ah bon, parce qu'il est d'où, en fait? Bah, il est belge. De Melay. Ah, d'accord. Je ne sais pas s'il est de là, exactement, mais à creuser, idée à creuser, voilà. Ouais, carrément, on va se mettre en contact. Ouais. Donc, Melay, ça s'écrit M-E-2-L-E-T. Ouais. Melay. Peut-être, ouais, ça se dit Melay, ouais. Je dis Melay, mais je ne sais pas. Donc voilà. On salue tous les meultés. Les meultés et coureurs du jogging des carottes. Et les meultoises. C'est clair. Ah oui, c'est clair. Bon, bah, très bien. Merci de nous avoir écoutés, les bonitos. On se dit à très bientôt. Ouais. À plus, les gars. Salut, à bientôt. Salut, Mardi. Salut, les bonitos. Ciao. À la prochaine. Ciao. Поворот. Право. Влево. Вверх. Поворот. Влево, право, вверх, поворот, право, лево, резче движение. И еще немного. Хорошо. Еще увереннее. Приготовились? Колени выше.